Santa Martin Man, Santa Martin Man. Santa Martin Man, hey oh, Santa Martin Man, hey oh. Thank you. la split, c'est très bon. Bah. Ma maman a pensé que je rentre de l'école. On me fait une belle place avec une grosse banane et des boules. C'est super bon. Non, non, non. Avec de la chantilly. Bah. Je suis un coquin. Yo que tu es un coquin. Voilà, je suis en train de voir que tu es un coquin. Je suis un coquin. Yo que tu es un coquin. Voilà, je suis en train de voir que tu es un coquin. C'est pas l'accent africain de la petite vie aussi, hein. C'est une petite vie africaine aussi. C'est pas le problème, hein. Non, non, je dis que tu viens de la figure là. Dès que le pays, tu viens là. Donc, des pays africains. C'est vraiment que je dis que la figure là. Dès que le pays, tu viens là. Donc, des pays africains. C'est vraiment que je dis que la figure là. C'est vraiment que je dis que la figure là. Mon aïe, je dis que la figure là. street. So money, fight and shit. Fight and shit. The street. So fight and shit. Fight the shit. The street. Sometimes sometimes crazy, sometimes crazy, sometimes. alaikum. Mon frère. Assalam alaikum. Thank you. pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu parles plus, chérie? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.